Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Gandhi et son combat dans la non-violence pour l'indépendance de l'Inde. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. Gandhi, qui se décrit comme un soldat de la paix dans un discours qu'il prononce à Genève en 1931, Gandhi qui réfute aussi l'idée dans ce discours qu'il en est appelé au recours à la violence dans son combat pour mener l'Inde à son indépendance. Il a d'abord fait échec et mat à l'Empire britannique, ce qui n'était pas si mal. Deuxièmement, chose qui l'a plus occupé que de se débarrasser des Anglais, c'était de relever la classe des intouchables. Je ne dis pas que ce problème soit entièrement résolu, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'une plaie qui dure depuis plusieurs milliers d'années se résolve en quelques dizaines d'années. Cependant, il y a eu des résultats merveilleux dans ce sens-là. Vous parlez de la lutte des religions. Oui. Lui, de son vivant, a arrêté la guerre entre les hindous et les pakistanis, c'est-à-dire les hindous et les musulmans, qui se massacraient sur toute l'étendue du territoire. Bon, avec 5 jours de jeûne, il y a mis fin. Le philosophe italien et disciple de Gandhi, Lanza Del Vasto, qui tente de dresser un bilan des plus grandes réalisations de Gandhi à l'émission Format 60 en 1969, pour mieux comprendre la vie et la pensée de Gandhi, mon invité est Mathieu Boisvert, directeur du Centre d'études et de recherches sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Mathieu Boisvert, bonjour. Bonjour. La figure de Gandhi, Mathieu Boisvert, elle est évidemment associée à l'Inde, à cette grande marche de l'Inde vers son indépendance. Ce qu'on sait moins, c'est que Gandhi, après ses études en droit à Londres, va passer une vingtaine d'années en Afrique du Sud. Comment se retrouve-t-il en Afrique du Sud? Bon, il faut comprendre aussi que l'Inde faisait partie du grand empire britannique à cette époque-là. Les Britanniques étaient présents non seulement au Kenya, mais il y avait une présence substantielle de Britanniques en Afrique du Sud aussi. Après son séjour ses études de droit en Angleterre, Gandhi retourne en Inde, mais il n'est pas acclimaté. Il y a de la difficulté à s'insérer socialement et professionnellement. Et c'est la communauté sud-asiatique présente en Afrique du Sud qui va l'inviter pour qu'il pratique le droit là-bas. Il va travailler activement à la reconnaissance de cette communauté en Afrique du Sud, qui évidemment souffre aussi à ce moment-là, comme les Noirs, mais de discrimination. En effet, il passe 22 ans en Afrique du Sud et c'est un moment particulier parce que pendant cette période-là, Gandhi va se familiariser avec cette notion d'engagisme. Et les engagés, en fait, c'était suite à l'abolition de l'esclavage, premièrement par les Britanniques et par la suite par les Français et les Portugais, les puissances coloniales mettent sur pied un nouveau système. Ce ne sont pas des esclaves, mais des engagés. C'est-à-dire qu'on va faire un contrat de 5 ans, on va aller chercher des populations essentiellement en Asie du Sud et en Chine pour les amener à l'intérieur de territoires coloniaux. Ils vont travailler à très bon marché et selon le contrat, on doit les retourner dans leur pays d'origine 5 ans plus tard. Mais la grande majorité de ces engagés n'ont jamais été retournés dans leur patrie d'origine par les compagnies qui les avaient embauchés. Et là, ça devient très problématique parce que en Afrique du Sud, par exemple, ça crée une hiérarchie particulière entre les puissances coloniales, les engagés qui sont plus hauts que les Noirs. Alors, il y a toute une hiérarchie sociale qui est problématique. Là. Et c'est, donc, il va travailler à cette problématique-là. Et c'est en Afrique du Sud, Mathieu Boisvert, que Gandhi va développer et va commencer à expérimenter sa fameuse doctrine de la non-violence. Sur quoi s'appuie cette doctrine-là? En fait, on a généralement tendance à associer la non-violence ou la notion d'ahimsa à l'hindouisme, mais c'est un concept ici et une pratique qui prend racine à l'intérieur du jainisme, qui est une tradition contemporaine au bouddhisme, c'est-à-dire qui émerge vers le 5e siècle avant l'ère chrétienne et qui a cette notion de non-violence au cœur même de sa doctrine. Alors, Gandhi s'approprie ceci et vient à appliquer ce concept de non-violence à l'intérieur de toute sa démarche politique et de libération de l'Inde plus tard et de l'affranchissement de cette hiérarchie contraignante en Afrique du Sud. Donc, manifestation, revendication de certains droits, mais par des actions non violentes. Jeûne, boycott, etc. Oui, exactement. Ça va se développer beaucoup plus tard lorsque Gandhi va retourner en territoire indien. Mais d'emblée, en Afrique du Sud, toutes les manifestations qu'il organisait, il y avait ce modus vivendi dans le sens que ça devait être non violent et calme. Il revient donc en Inde, Gandhi, en 1915. Et là, il s'engage très tôt dans cette longue marche de l'Inde vers son indépendance. Comment définir le nationalisme de Gandhi? On écoute l'extrait d'un radiothéâtre présenté à l'émission Radio Collège en 1955, où Gandhi, justement, évidemment c'est un radiothéâtre, là, c'est dialogué, mais où Gandhi explique sa démarche indépendantiste. Actuellement, l'indépendance de l'Inde est une condition essentielle de libération intérieure, car la loi anglaise méconnaît nos traditions. Bafoue notre foi, engendre la discorde et la violence. Votre véhémence me surprend, Bapou. Mais comprenez-moi bien, je ne lutte pas d'abord pour chasser les Anglais de ce pays, non, mais pour défendre ma dignité d'homme, ma liberté. Je ne travaille pas contre l'Angleterre ou pour l'Inde. J'offrirai mes services à l'humanité entière si c'était nécessaire. Non, je veux seulement que nous ayons le respect de nous-mêmes, que nous nous conduisions comme des hommes libres. Je vous assure que je nourris aucun sentiment de haine à l'endroit de qui que ce soit. Comment se définit le nationalisme de Gandhi? On regarde ce qu'on vient d'entendre, Mathieu Boisvert. Bon, ici, en fait, je crois que le concept à la base du nationalisme de Gandhi est celui de Satyagraha, qui est un concept fondamentalement religieux. Satya veut dire vérité et Graha a la même étymologie que grasp en anglais, s'accrocher à la vérité. Alors, pour Gandhi, la première étape d'un investissement politique, nationaliste ou même intérieur, c'est d'identifier ce qui est important pour nous, d'identifier ce qui est vrai et par la suite que l'ensemble de notre comportement, de nos actions, soit déterminé par cette notion de vérité que l'on aurait découvert au préalable. Et éventuellement, j'essaie d'aller plus loin que le statut politique, par exemple, d'un pays, des Indiens en Inde, corresponde à la réalité ou ce que devrait être cette vérité, cette réalité. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est ça, mais en fait, cette notion de Satyagraha est articulée avec une autre notion qui n'a pas été développée par Gandhi lui-même, mais celle de Swaraj, Raj comme Raja ou royaume, et soi comme nous-mêmes. Et Swaraj fait référence ici à l'autonomie nationale, ouais. C'est-à-dire que nous sommes maîtres chez nous. Et Gandhi fait un parallèle particulier, c'est-à-dire qu'il fait un parallèle entre cette nation, le macrocosme, et l'individu, le microcosme. Tout comme l'individu devrait être libre de ses choix, la nation devrait également être basée sur cette notion d'autodétermination. Ouais. L'une des étapes importantes de cette très longue marche de l'Inde vers l'indépendance, ce sera cette fameuse marche du sel au début des années 30. On écoute l'écrivain français Dominique Lapierre, auteur du célèbre roman La Cité de la Joie qui se déroule justement en Inde à l'émission Aux 20 heures en 1975. Il proposait à son peuple, par exemple, de faire cette fameuse marche du sel qu'il avait faite en 1931 et qui, pour la première fois, a véritablement attiré, je crois, l'attention mondiale. Les Anglais, vous savez, à l'époque, faisaient peser la denrée du sel d'une certaine taxe, le prix du sel. Et Gandhi avait dit « Nous allons nous libérer de cette taxe et je vais commencer une marche vers la mer pour aller chercher le sel qui nous appartient. » Et il avait marché pendant 400 kilomètres à travers l'Inde écrasée de chaleur, suivi par des centaines de milliers de gens. Et un jour, il était arrivé au bord de la mer et devant la foule de ses fidèles, il avait plongé le poing dans l'eau. Il en avait sorti une poignée de sel. Il avait brandi ce poing et il s'était écrié « Ce poing pourra peut-être être brisé, mais ce sel ne sera plus jamais lâché. » Alors Mathieu Boisvert, quelle importance aura cette fameuse marche du sel dans cette marche de l'Inde vers l'indépendance? Je doute que ça ait été aussi théâtral que ce qu'on a entendu. C'est un conteur, M. Lapierre, un sacré conteur, faut bien le reconnaître. Mais il faut comprendre que Gandhi, je ne pense pas que c'était intentionné, mais il a eu un très grand impact dans l'imaginaire indien de l'époque. C'était un petit bonhomme tout frêle, mais qui s'opposait à un empire. Et ici, symboliquement, c'était et représentait l'ensemble des Indiens qui s'opposait en fait à cette taxe du sel, qui s'opposait à l'Empire britannique. Alors, c'est aller chercher les Indiens dans leur imaginaire, surtout que Gandhi s'est fait battre, s'est fait arrêter suite à cette marche du sel, et ça, c'est aller chercher les Indiens, et ça a participé à cette mobilisation nationale. Et ce sera une des actions marquantes là, qui frappera particulièrement l'imaginaire des Indiens dans ces nombreuses actions de non-violence que mènera Gandhi pendant des années. Et il y en aura beaucoup. Les marches, la marche du sel en 1930, les boycotts de produits étrangers, on peut penser à celui de 1920 entre autres, les jeûnes, les très nombreux jeûnes que fera Gandhi, celui de 1932 entre autres sur la question des intouchables. Si vous aviez à choisir un exemple pour nous montrer quel genre d'impact auront toutes ces actions non violentes de Gandhi. Bon, je pense que la marche du sel et aussi le boycott des vêtements britanniques, en fait, c'était pas des vêtements britanniques en tant que tels, mais c'était des vêtements en coton britannique, mais c'était un coton qui était produit en Inde, qui ne pouvait pas être transformé en Inde. C'était la loi coloniale, tout comme au Québec ou au Bas et au Haut-Canada. On devait envoyer nos fourrures en Angleterre pour que les manteaux soient produits, les bottes soient faites, et celles-ci étaient réexpédiées au Canada pour qu'on puisse les acheter. Alors, c'était la même chose. Et si Gandhi demandait à la population de brûler les vêtements britanniques sur la grande place du village, et ça a permis à nouveau de mobiliser l'ensemble de la population indienne et de les conscientiser également à cette domination coloniale et cette impossibilité de transformer les matières premières en territoire sud-asiatique. Et son nationalisme, en fait, il est, oui, politique parce que cette volonté d'autonomie gouvernementale dont vous parliez il y a quelques minutes, mais c'est un nationalisme qui est très économique, le nationalisme de Gandhi. Oui, et en fait, l'un des objectifs de Gandhi, c'était de pouvoir fournir un travail que chaque Indien puisse travailler de ses mains. Alors, sa vision du développement économique se basait également sur une Inde qui n'était pas réellement industrielle, parce que Gandhi percevait l'industrialisation comme une façon d'enlever le travail concret des gens, là. Oui. Jusqu'à un certain point, on pourrait dire que Gandhi suivait l'adage « Arbeit macht frei », la liberté par le travail. Là. Ouais. Une autre grande campagne, une campagne qui sera très, très importante, on avance un peu dans le temps, mais c'est celle de 1942, « Quit India ». De quoi s'agit-il? Bon, ici, c'était un mouvement de désobéissance civile majeur répandu sur l'ensemble de l'Inde pour forcer les Britanniques à quitter l'Inde. Carrément. Carrément, et ça a fait en sorte qu'en 1946, la couronne britannique a décidé d'embarquer beaucoup plus activement à l'intérieur du processus. Et il y a un nouveau vice-roi britannique qui a été nommé pour représenter George V. Et son mandat premier était de parvenir à une entente pour l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, éventuellement, à l'intérieur de l'année qui allait venir. C'est ça qui est extraordinaire dans ce parcours de Gandhi, c'est que Quit India, par exemple, cette campagne de 42, de désobéissance civile, on est dans l'action non-violente, va ébranler un empire qui est celui, qui est l'empire britannique. Il y aura résolution, il y aura indépendance en 47 de l'Inde et du Pakistan. Et ça nous amène à nous demander, Mathieu Boisvert, comment expliquer cette autorité que va incarner Gandhi de manière pacifique, l'importance qu'il aura, comment expliquer tout ça? À nouveau, l'écrivain, un peu conteur, Dominique Lapierre, à l'émission Aux 20 heures en 1975. Gandhi était un saint. Et je crois que c'est à la double particularité d'être un homme politique génial et d'être un saint qu'il a dû de profiter de cette audience extraordinaire qu'il a eue. Car en Inde, où les choses de la spiritualité, les choses de l'au-delà ont une telle importance, réussir à être aussi un gourou, un prophète, un leader religieux, donnait à cet homme une audience exceptionnelle. Vous savez que l'Inde est un pays de 567 000 villages. C'est un pays immense. 567 000 villages dont 70% ne sont pas accessibles toute l'année par une route. Et pourtant, Gandhi, à une époque où il n'avait pas à sa disposition la télévision, ni la radio, il n'y avait pas d'électricité, ni même les journaux, parce que 83% des Indiens sont analphabètes, Gandhi avait réussi à faire passer son message. Qu'est-ce qui fait la force et la grandeur de Gandhi, Mathieu Boisvert? Bon, jusqu'à un certain point, je rejoindrai les propos de Dominique Lapierre, mais avec une nuance importante. Lapierre dit que Gandhi était un saint. Moi, je dirais plutôt, c'est on a construit la sainteté alentour de Gandhi. Déjà, lorsqu'il était en Afrique du Sud, les Indiens avaient une image de lui comme le libérateur des Indiens, le libérateur contre la force coloniale. Mais aussi, et Lapierre le souligne très bien, Gandhi était un gourou. Et je crois que c'est l'une des faiblesses de Gandhi. D'une part, oui, c'est ce qui lui a permis de mobiliser une grande partie de la population indienne. Mais cette population indienne mobilisée par Gandhi se retrouvait justement dans des concepts fondamentalement hindous utilisés par Gandhi, très probablement à son insu. Là. Ouais. Et à son retour d'Afrique du Sud, Gandhi était impliqué s'est impliqué très rapidement dans le Parti du Congrès, mais était dans ce même Parti du Congrès Mohammed Ali Jinnah, celui qui va devenir le père du Pakistan en 1947. Mais c'est que Jinnah est venu à se dissocier du Parti du Congrès en 1930 justement parce qu'il ne se reconnaissait plus dans les concepts fondamentaux qui venaient à être adoptés par le Parti du Congrès, des concepts qui étaient émis par Gandhi et des concepts fondamentalement hindous comme ceux de non-violence, ouais. Ahimsa, de satyagraha, de swaraj. Et ça, j'ai l'impression que ça a contribué, son utilisation de concepts hindous par Gandhi, contribuer à ostraciser une bonne partie de la population musulmane. Voilà. Et je crois que c'est également ce qui a nourri la motivation de Jinnah à faire passer en 1933, je crois bien, la résolution de Lahore, c'est-à-dire la demande explicite de la création d'un pays indépendant qui est le Pakistan. Parce que cette Inde de Gandhi, pour faire court, pour résumer, ne faisait pas de place, était trop hindouiste dans sa vision, ne faisait pas de place aux musulmans. Et d'ailleurs, la résolution, ce sera de tout ça, de cette longue marche, ce sera l'indépendance de l'Inde, mais aussi il y aura deux États de créer, l'Inde et le Pakistan deviendront indépendants. Ça, ce sera pour Gandhi, la victoire de l'indépendance, mais avec une zone d'ombre pour lui profonde, là, un échec qu'est ces deux pays au fond. Ouais. En fait, ça a été l'échec principal de Gandhi, ou à un niveau personnel. Mais son idéal était vraiment de créer une Inde libre, une Inde qui incluait à la fois les Pakistanais, ou en fait, excusez-moi, les Hindous et les musulmans, tout comme les autres religions. Mais au cœur de la pensée de Gandhi, les frontières de l'Asie du Sud étaient incessibles et on ne pouvait pas diviser le territoire qui était occupé par les Britanniques à l'époque. Ouais. Parlons de l'homme quand même, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet aussi en terminant cette émission. Quel genre d'homme était Gandhi? On écoute d'abord le missionnaire laïque au Pakistan, Edward McInerney, à l'émission Partage du jour en 1964. C'était un homme tout à fait sans prétention. Je l'ai rencontré environ 12 fois, et chaque fois, quand je parlais avec lui, j'ai remarqué qu'il dirigeait toute son attention sur moi. On n'avait pas l'impression que c'était un homme très occupé, qui s'efforçait de ne pas paraître distrait. Je crois que cette habitude de se donner totalement à son interlocuteur était un élément très important dans sa capacité de comprendre, d'aimer, de secourir, de diriger. Quel genre d'homme était Gandhi, Mathieu Boisvert? Bon, je n'ai jamais rencontré Gandhi, mais c'est évident que Gandhi est un homme qui avait énormément de charisme. Il est rapidement intronisé comme étant le père de la nation et une fois qu'il est le père de la nation indienne, on fabrique à nouveau cette icône-là. Alors, il y a certains éléments de sa vie qui sont passés sous silence. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait que Gandhi était contre l'industrialisation. Jusqu'à un certain point, il était contre la modernisation de l'Inde. Et également, il était contre certaines pratiques médicales. Son épouse, Kasturba, est morte d'une infection, toute simple, qui aurait pu être traitée par une injection de pénicilline. Chine. Et Gandhi s'est opposé à ceci parce qu'il percevait ceci comme étant une intrusion, un heurt au corps de sa femme, là. Et puis, y a-t-il toute cette dimension qui est moins connue de la sexualité de Gandhi? Il a quelques enfants avec sa femme quand il est très jeune, mais dès 1906, il est encore pas si vieux, il est en Afrique du Sud et il décide de devenir abstinent. Oui, à partir de 37 ans, il prend le vœu de Brahmacharya. Ça aussi, c'est un concept qui s'enracine très fortement dans l'hindouisme et dans le but toujours d'obtenir la moksha ou le salut. On est à l'intérieur d'un univers conceptuel qui est fondamentalement hindou ici à nouveau. Et plus tard dans sa vie, il va avoir 70 ans, il aurait même couché avec ses deux jeunes nièces pour valider ou pour vérifier en fait s'il s'était affranchi des désirs sexuels. Et suite à cette expérience, il aurait avoué que non. Ah bon? On en aura appris une petite couche de plus à l'émission aujourd'hui. Il est assassiné en 1948, Gandhi. Dans quelles circonstances? Pourquoi l'assassine-t-on? Bon, il est assassiné par Nathuram Ghosh. Nathuram Ghosh est un individu hindou, mais qui appartient à une faction hindoue d'extrême droite, pratiquement paramilitaire, le RSS, qui est toujours actif de nos jours. Et on a assassiné ici Gandhi parce que il est perçu comme étant celui qui est responsable de la division territoriale de Bharat ou de cette Inde mythique à l'intérieur d'un imaginaire hindou. Cette Inde qui ne pouvait pas être divisée territorialement. Donc on lui reproche ce que lui-même déplorait finalement, la division de son pays. Exactement, c'est fou, mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste, Mathieu Boisvert, aujourd'hui de cette figure légendaire de Gandhi? Qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? Il reste une icône extrêmement forte toujours de nos jours en Inde. C'est également un personnage qui est réutilisé politiquement. Juste pour vous donner un exemple, à tous les ans, on célèbre à Delhi depuis une dizaine d'années l'anniversaire du retour en Inde de Gandhi. Mais c'est une foire commerciale ici qui est organisée par le gouvernement indien et on invite en fait tous les Indiens de la diaspora à venir passer 3-4 jours à Delhi, et maintenant ça se passe un peu partout en Inde, dans le but de mobiliser la diaspora indienne et de fortifier en fait les échanges commerciaux entre l'Inde et d'autres pays à travers justement cette diaspora. Alors c'est toujours ce personnage ou l'image du personnage qui est utilisée pour fortifier l'économie indienne actuelle. Mathieu Boisvert, c'était fascinant. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci beaucoup, Jacques. Mathieu Boisvert, je le rappelle, est directeur du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.